Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play. Ah, il est avec content. Flavie. Bonjour. Content. Oui, je suis content. Benjamin. Est bonsoir. Avec nous, Bender et Thomas. Content. Content. Content. Et très content. Tout le monde est content. Bon, alors, et il est content pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème extraordinaire, les adaptations de jeux de rôle en film. Et inversement, oh oui. Préparer les pop-corns. Préparer les pop-corns, préparer les téléchargements. Du ciel torrent, t'es nul, attention. Tout à fait, Lego. Ça va vous donner envie de télécharger du truc. Télécharger et de la merde, légalement, hein. Évidemment. Oui, bien sûr. Et donc, surtout pour les films dont on va parler, ça donne envie de les télécharger légalement. Mais vous pas, allez surtout voir. Pas de les acheter. Alors, Bender. Oh, si, il faut donner de l'argent à ces grands artistes qui ont mis... Au cinéma, de ces œuvres que nous adorons. Quels sont les premiers artistes que tu as envie de récompenser ? Bah écoute, je crois que collégialement on est tombé d'accord, on va parler de Dagon. Hein ? Alors Dagon, très grand film hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une superbe adaptation de l'univers de Lovecraft. Ouais. Et alors, certains n'aimeront pas ce que je vais dire, mais je trouve que c'est une excellente série B et on est dans un super pastiche bien réalisé. On prend énormément de plaisir. Alors certains diront que c'est pas du tout humoristique, mais qu'il faut se plonger dans le personnage. Non, sans déconner. Alors, j'aimerais bien rencontrer les gars qui disent ça. C'est pas humoristique, et ben putain. Oh, les mecs, je sais pas comment ils font pour trouver ça sérieux. Le anti-héros qui a aucune compétence, qui a rien à faire dans ce scénario. Ah, il a des compétences, mais pour autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est une adaptation d'un jeu de rôle en film ? La scène de la porte. La scène il y a une autre de scène, la porte. Une autre scène. Alors, c'est cette scène complètement improbable où un cadenas est défait d'une porte pour être posé sur une autre avec un tournevis en entendant les monstres de l'autre côté dans le couloir en train de courir. Ça ressemble vraiment à une idée de joueur à 3h du matin. Ah, c'est l'idée de joueur à 3h du matin avec succès critique. Avec succès critique. Et ouais. C'est ça qui est dingue. Ouais. Alors, moi, je voudrais juste dire une chose sur Dagon. Ouais. C'est qu'il y a Benoît qui est en ce moment en train de lire un roman de nouvelles de Lovecraft, ouais. Donc dans l'univers de Cthulhu. Et c'est Horreur à Innsmouth. D'accord. Où ça raconte à peu près l'histoire du film de Dagon. Ouais. Parce que dans Dagon, c'est l'histoire d'un gars qui se trimballe au large, puis il y a un orage qui débarque. Ouais. Il se retrouve à se réfugier dans un village paumé fait, ouais. Où les gens sont chelous. Ouais, bizarre. Ils sont super étranges, ils n'ont pas l'air d'être comme tout le monde. Puis à un moment, ils rencontrent un alcoolo qui rencontre une histoire de Dagon. Ah, mais le cadre, il est posé tout l'horreur de suite. C'est vraiment le scénario, alors, c'est le scénario du roman. Du roman. Donc, d'accord. Moi, au départ, pour moi, quand on m'a dit ça, je dis ouais, Dagon, en fait, c'est plus inspiré du roman. Mais je reste quand même à dire, effectivement, non. Que c'est inspiré du jeu de rôle parce qu'on a donné le coup de la porte. Mais rappelle-toi de la scène de la voiture. Oh, très bon ça. Où le joueur, donc on va dire le joueur, on va dire le héros, rentre dans une voiture. Et décide de voler la voiture et donc de la démarrer. Donc déjà il fait son jet de compétences mécaniques, on le voit qu'il arrache les fils, puis il dit bon faut que je démarre, bah vas-y fais-moi ton jet de mécanique. À et 5 là, mètres il y a des gens, hein. Et avec un genre, et là échec critique, ça oui. Se met à klaxonner et tu fais oh merde. Donc là il réessaye un autre jet pour essayer de démarrer, il démarre mais bon il doit faire son jet de discrétion, il a des le lunettes grillées pleines de pluie, voilà. Il ne voit rien. Là, oh c'est vraiment, c'est clair que Dagon, ils ont pris le scénario pour moi du roman, mais c'était des rôlistes. Les mecs, les scénaristes, c'était des rôlistes. Ils se sont trop fait plaisir. Parce que c'est un joueur. C'est pas un personnage, c'est un joueur. C'est, donc, mais oui. Donc Dagon, pour vous, c'est clairement une adaptation de Cthulhu au cinéma. Ah, bah, évidemment. Carrément. Lovecraft. Carrément. Lovecraft en alors, puissance. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres adaptations de Cthulhu au cinéma Flavie, est-ce que t'en connais? Non. Indiana Jones, est-ce que c'est une adaptation de Cthulhu au cinéma? Bonne question. Ah, non. Bien sûr que non. Alors, je serais tenté de dire si, oui. Alors. Si, quand même. Le mec, il est envoyé. Ouais, alors t'es un aventurier. T'es archéologue. Donc t'as coché, évidemment, t'as l'archétype archéologue. Hein, mmh. Et tu dois aller chercher une antique babiole chrétienne qui va déclencher la fin du monde. Attention, t'es poursuivi par les nazis. Bah voilà. Des grosses boules. Des grosses on boules. Il n'y a pas que Cthulhu, tu peux jouer les archéologues. Ah, évidemment, mais. Ah, mais quand même. Ça correspond à tous les critères. Parce et que tu vois un bon le grand ancien, c'est Dieu, mais bon. Le dernier avec les extraterrestres, je suis désolé, il fait quand même grave Cthulhu, quoi. Vrai que dans le dernier, ils ont quand même poussé le vice jusqu'à mettre des extraterrestres. Vous voyez du Cthulhu partout. Le deuxième le deuxième avec les cultistes fous, quoi. Les méchants cultistes. Je sais pas, c'est Shawarma. Chop-tidé. Non, le Chop-tidé. idée. Non mais Kalima, moi, Kalima, Chaptinet. Moi quand j'ai vu honnêtement ce film, enfin ces films, j'ai boucle. Jamais pensé à Cthulhu. Ah le deuxième. T'as jamais pensé à Cthulhu en regardant avec la table complètement improbable, l'archéologue, l'enfant et la bonasse quoi. Ah si. Ah il y a des personnages hauts en couleur qui sont réunis. Je suis désolé. Là ça me fait penser à un film d'aventure. Un film d'aventure, ouais, mais... Moi, je vais pas l'entreposer avec un jeu de rôle, alors que Dagon, si, c'est du jeu de rôle. Ah oh, bah, le deuxième Indiana Jones, quand même... Enfin, en plus, Spielberg s'est reconnu être un geek, quoi. Enfin... Ouais, bah, oui, bah... Ouais, de là, ce qu'il est joué. Ouais, je sais pas ce qu'il a aimé lui dire. Ouais, je vous allais me dire, tu prends n'importe quel film d'aventure, les mines du roi Salomon. Ouais. Non, je suis pas d'accord sur les mines du roi Salomon parce que c'était diamant, qu'il n'y a pas une sorte comme Choptido, comme Choptido quoi. Choptido. King une Kong. De gros trucs à réveiller avec des cultistes et alors tout là, quoi. Alors c'est là, pas du tout la même chose. Alors là, Ben ouvre le truc King, bah, Kong. King Kong. Est-ce que c'est du Cthulhu ou pas? Et il y a des tas de gens qui pensent que le mythe de King Kong et le mythe de Cthulhu sont en fait un seul et même mythe. C'est vrai qu'il y a l'île du crâne. Parce que il s'en passe des choses sur cette île. Alors, et puis il y a l'île et puis il y a un grand on raconte qu'il y a un grand monstre, une île perdue, le grand Cthulhu. Si on veut vraiment le croire, oui, ça marche quoi. Non, ça s'intègre bien dans le mythe. Ça s'intègre. Pour le reconnaître. Mais non, pour toi Thomas, c'est pas du Cthulhu. Non, mais si chacun voit midi à sa porte et là vous dites vous avez vraiment envie de vous voyez du Cthulhu partout quoi. Ouais, mais non, mais moi je vois du Cthulhu partout, mais dans oui, la réalité, toujours, je vois du Cthulhu. Lui quand on passe devant une maison et qu'il dit "Tiens, c'est une maison Cthulhu ça." Une maison Cthulhu. Ah, hein. Bah, c'est comme un grand joueur de Néphilim, il se balade n'importe où, il voit un symbole bizarre, paf, direct c'est l'univers de Néphilim quoi. On a ah, ici tu sais, il y a un saurien qui est mort il y a des milliers d'années, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un grand arbre qui y pousse. Non, mais bon, voilà, c'est... Oh, regarde, un Fire Impass. Alors, est-ce que vous connaissez des exemples de jeux de rôle qui sont devenus des films? Profion un peu... Profion Bon, si les gens n'ont pas compris, c'est le merveilleux et grand film Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, voilà. Ou quand même, pour la traduction française, le grand méchant magicien fou, très puissant, qui veut dominer le monde, Profion. Ça s'appelle Profion, quoi. Ouais. Moi, le jour où je suis allé, j'ai payé. En anglais, Profion. Alors, profile, mais profile. En français, profion. Alors, moi, j'ai payé ma place pour aller voir ce film. Moi aussi. En avant-première, je suis allé dessus et j'ai fait waouh, les belles images. Et puis là, il y a le grand méchant qui arrive, c'est Seigneur Profion. Oh, mais le film, c'est de la merde. Direct, je pense, au bout de 5 minutes, général. J'ai trouvé que c'était pourri. Le grand général. Non, le grand général aux ordres de Profion. Je vous rappelle quand même que notre premier ministre s'appelle Fion. C'est pas beaucoup. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Fion. Voilà. Excuse-moi, mais c'est pas un grand méchant, quoi. Bah oui, ouais, ça dépend pour qui, quoi. Pas encore. Pas encore. Je veux dire, c'est. Alors, Profion. Voilà. Alors, mais à part ça, le film était bien ou pas, Donjons et Dragons? C'est une sombre bouse. Attends, le héros. C'est une des pires bouses qui a jamais été tournée au cinéma. Le héros, c'est Jimmy de Lois et Clark. Avec zéro charisme. Voilà, donc tu veux dire, non, mais t'es Jimmy de Lois et Clark. T'as pas de charisme. Bon. T'as un mec qui prend des photos, t'es le second personnage. De temps en temps, tu vas servir pour une scène, pour une scène quoi. C'est nul. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que ce film, Donjons et Dragons, a été fait à peu près en même temps que Le Seigneur des Anneaux. Et que non, il a des, dû, années ils ont... avant, des années avant. Des années avant. Ouais, 5 ans avant. Je crois. Ah, parce que justement, il me semblait qu'ils ont dû le terminer vite pour qu'il sorte avant Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est non. Plus d'où je ma source. Ah, c'est peut-être pas de. J'ai vérifié. Non, il me semble vraiment que c'était parce que quand il faut savoir que Donjons et Dragons, il y a eu un deuxième film. Donc tu vois, ils ont réessayé. Il est encore pire que le premier. Non. Mais je crois que ça devait être une trilogie. Est-ce qu'il y a. Oh la vache. Ça devait être une trilogie à la base. Il me semble. Oh putain, la vache. Bah, faut qu'on vérifie ça là parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, oh, les auditeurs, ils le font. Les auditeurs sur le chat nous corrigeront. C'est bon, t'en fais pas. On avait prévenu en même temps que tu sortais les popcorn. Ouais. Bon, donc alors, qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme adaptation de jeux de rôle en film? C'est pas, il y en a pas tant que ça. Hein. Jeux de rôle en film, il y en a pas tant que ça. Underworld. Oh, si, c'est pour moi Underworld. C'est... Non, si Thomas. Ah, je te vois grignoter. Il y a pas le logo White Wolf. Le Cthulhu, quoi. Je veux dire, Underworld, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire c'est pas Cthulhu White parce Wolf. Qu'à l'époque j'avais regardé. Parce que voilà, à l'époque j'ai regardé le réalisateur faire. C'est largement faire. J'ai regardé des interviews du réalisateur et c'était un grand joueur de White Wolf. Et il a clairement dit qu'il adaptait Underworld pour adapter le jeu de rôle. Bien, très bien, j'ai eu cette information. Mais bon, faut quand même dire que White Wolf, c'est du Anne Rice, donc c'est pour ça que je dis, pour moi, ça pourrait très bien être du Anne Rice. Mais non, si l'auteur, il l'a dit. Bender. Je ne dis plus rien. Oh, non, attends, parce que ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, là, tu remontes aux fondations de ce qui a fait le jeu pour dire, non, non, Underworld, c'est pas une adaptation du jeu de rôle, c'est une adaptation des inspirations du parce jeu. Parce que dans ces cas-là, parce que pour le moi, jeu le gars, c'est plus instant. Livre. C'est pas ça. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, vu que j'étais pas au courant de ça, ouais. qu'il a dit que c'était pas un port au jeu de rôle, je lui dis, attendez, vous dites que c'est du vampire, mais le gars, il a pu très bien s'inspirer de l'univers d'Anne Rice. Ouais, bon, et vous, vous voyez vampire parce que. Oui, mais bon, non. Les histoires des loups-garous, excuse-moi, dans Anne Rice, il y en a pas des lupins, il me semble. Il y a pas de loups-garous dans Anne Rice. Voilà. Donc déjà, ça. Il y a pas de loups-garous dans Anne Rice. Adaptation libre. Maintenant, en plus, les vampires. Ah non, on peut dire beaucoup de choses, mais en plus, les vampires dans Anne Rice ne ressemblent pas du tout aux vampires de Underworld. La vraie question, je pense, c'est quelle liberté laisser à Thomas c'est... Alors, non, mais quoi qu'il en soit. Tu te trompes de podcast, c'était la semaine dernière. Et quoi qu'il en soit, moi, pour moi, c'est clairement. Underworld, c'est clairement une adaptation de vampires et de vampires, je précise bien. Anne Rice, il y a déjà eu des adaptations au cinéma. Il y en a une bien, il y en a une moins bien. Il y en bien, a eu de voilà. très très mauvaises. Il y en a, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis, il y a le côté bourrin, il y a le côté mascarade, il y a le côté mascara. Il y a vraiment le côté vampire. Non, et puis vraiment, les loups-garous. Je sais plus question, son nom. Il est né un vendredi soir vers 17h. Il est mort étouffé par son édredon. Mais les loups-garous de Underworld, c'est vraiment des loups-garous qui chassent les vampires parce qu'ils estiment qu'ils sont pas dans le bien comme dans le jeu de comme rôle. Dans le jeu de rôle, ouais. C'est ils ont les mêmes soucis, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en frénésie. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont incapables de se contrôler. Il y a effectivement la question de l'humanité. Dans White Wolf, les loups-garous ils se contrôlent. Ils sont quand même en frénésie. Il faut faire des jets, enfin. Il y a des jets de frénésie à faire. Ils doivent apprendre à se calmer, certes, mais ça remonte à loin, les parties de loup-garou. Comme dans Vampire, tu as les jets de frénésie dans certaines situations. Oui, mais dans certaines situations, tandis que les loups-garous, c'est quand même plus fréquent. Et dans le film, plus tu es un vieux loup-garou dans le film, moins tu as de mal à te contrôler. Mais les premiers, quand tu viens juste de naître et que tu as la pleine lune, vas-y, quoi. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres Alors, moi, j'en ai une, mais c'est toujours pour reparler de Cthulhu, mais parce que je suis incapable de me rappeler du nom de ce film. C'est un film qui a été fait il y a environ un ou deux ans, caméra à l'épaule. Le mec qui a fait Rec, tu sais, le mec qui a fait Lost. Il y a un gros monstre qui attaque New York. Exact. Comment ça s'appelle il assez... En fait, ils font référence. Godzilla, là. Ils non, font référence à Cthulhu. Ouais, je me souviens. On voit des. On voit des Migos à un moment. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est l'univers Lovecraft, est-ce que c'est le jeu de rôle? Ah, aidez-nous sur le chat. En fait, c'est clair que là, chacun voit un peu midi à sa alors, porte. Parce que Cloverfield. Parce que lorsqu'ils ont fait la publicité de ce film, c'était clairement mis Cthulhu, en fait, dans les revues de presse. Exact. Cthulhu. Je crois que c'est les journalistes qui ont pris la liberté. C'est comme qui est arrivé le premier, la poule ou l'œuf. Dans tous les cas, c'est une adaptation du jeu de rôle, quoi. Je vois pas en quoi c'est une adaptation du jeu de rôle. Dans Dagon, c'est l'adaptation du jeu de rôle parce qu'on retrouve les jets, on retrouve les trucs marrants d'un scénario. Là, si on a juste pris l'univers, il a très bien pu s'inspirer d'un roman, quoi. Ça pose une question étrangement sur un truc popcorn. Ça pose la question de qu'est-ce une adaptation de jeu de rôle. Est-ce qu'il faut forcément retrouver le côté PJ, j'ai raté mon jet, etc. Ou alors est-ce que c'est juste l'adaptation d'un univers? Bah oui, mais je veux dire, à ce moment-là, l'univers de jeu de rôle, à la base, il est tiré d'un roman, donc c'est un univers qu'on a pris, légèrement adapté. Par exemple, Thomas, est-ce que tu trouves, bien que ce ne soit pas une adaptation de jeu de rôle, mais qu'un truc comme la série Stargate soit plus proche d'un jeu de rôle que Cloverfield, par exemple? Parce que Cloverfield, par exemple, c'est typiquement, il y a du Cthulhu dedans, il y a Cthulhu qui est dedans. Non, mais Stargate, il y a le côté PJ, etc. Et donc, du coup, on retrouve. Il y a la team dans la question. Je ne veux pas dire Stargate. Pour moi, la série, c'est pas tiré d'un jeu de rôle. Ah, d'accord. Non, mais je ne sens pas qu'il y a le côté PJ, justement. C'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr qu'il y a un côté PJ, puisque c'est les épisodes. C'est pas un côté scénario. Mais quand même, c'est pas la même chose. Avec le scientifique. Non, mais vraiment, moi, quand je mate des fois Stargate, j'ai vraiment l'impression de revoir des scénars qu'on a pu faire. Ah ouais, à fond. Vraiment. Ah oui, je suis d'accord. Des scénarios. Mais non, mais c'est répétitif. Oh, répétitif, je veux dire régulière, quoi. Non, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir des trucs de scénar, quoi. Mmh. Des scénars de jeux de rôle. Mais, tu vois, parce que une chose est de dire un film ressemble à du jeu de rôle, et une autre est de parler des adaptations de jeux de rôle au cinéma. C'est-à-dire Cloverfield, est-ce que c'est inspiré de... du roman de Lovecraft, de l'univers de Lovecraft, ou alors de l'appel de Cthulhu? C'est une bonne question. Je sais pas. Ouais. Est-ce que le San apparaît dans le film? Bah oui, il perd. Ouais, mais non, il a raison, Tom. Il n'y a pas clairement. Ouais, ok, d'accord. Pour moi, d'accord. C'est effectivement tiré de Lovecraft, je viens de croire. Alors moi, j'en ai un. J'ai un exemple. Bender, tu voulais peut-être ajouter quelque chose. J'ai un exemple aussi. Vas-y. Alors, moi, Panic Circus. Avec Benoît Poulevard. Oh, les boules! Oh merde! Oh non! C'est le chou de Mégorat! Oh merde! Tu vas vraiment excaver Vanessa Paradis, quoi! Excusez-moi! Vibro Boy! Mais quand même! On en reparlera peut-être après. D'abord, Panic Circus. Est-ce que pour toi, Thomas, il y a les ingrédients de Cthulhu dedans? Il y a le chou de Mégorat, t'as les persos qui se rassemblent, les PJ qui se rassemblent d'une manière complètement improbable. La San, là, elle est clairement perdue. Est-ce qu'on a des éléments de jeu de rôle là-dedans? Il y a effectivement. Thomas, c'est un peu notre sceptique. On est sceptique alors. Oui, Thomas. Bien sûr qu'on peut retrouver un peu de jeu de rôle, puisqu'il y a des personnages, on va leur donner une aventure, et que maintenant le jeu de rôle s'inspire beaucoup du cinéma. Oui, mais dans ces cas-là, Donjons et Dragons, est-ce que c'était vraiment une adaptation de film ou est-ce que clairement, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle à la base. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle. C'est pas tiré d'un roman, c'est toujours ça. Mm. C'est que beaucoup d'univers de jeux de rôle sont tirés d'un roman, d'une BD, d'un manga. Donc à un moment, vous dire attention, l'auteur, est-ce qu'il s'est inspiré du jeu ou est-ce qu'il s'est inspiré du roman? C'est important parce que par exemple, sinon, on pourrait considérer que Lord of the Ring, après tout, c'est une adaptation de jeu de rôle, alors que pas du tout. Clairement, Peter Jackson, il a voulu représenter l'univers du Seigneur des Anneaux tel qu'il est décrit dans les bouquins et pas tel qu'il pourrait être vécu par une team de PJ. Bien que dans les bouquins de Lord of the Rings Tolkien, notre seigneur des écrivains, il y a une team de PJ qui est constituée. Oui, mais quelque part, c'est là, il a mis une team de PJ pour faire vivre une aventure. Ouais. Et souvent, je pense que Le Seigneur des Anneaux, ça a été un livre de chevet pour tous les rôlistes, parce que l'heroic fantasy, c'est une équipe où un personnage, généralement, on va essayer de mettre une équipe, vont vivre des aventures. Donc, il était sympa ce bouquin, j'aimerais bien vivre la même chose. Ouais. Je vais mettre des règles pour vivre la même chose dans le même univers. Je pense que c'est né là-dessus aussi. En tout cas, je vois ce que veut dire Tom maintenant. C'est-à-dire qu'attention à ne pas confondre ce qui a inspiré le jeu de rôle. Et ce qui a inspiré le film. Il faut bien que le film soit issu d'un jeu de rôle. Ou pas. Genre, on fait un jeu de rôle de la Bible. Je me demande en fait, pour le coup, si le film génère un jeu de rôle qui peut générer un film. Alors. Je pense à zombies, à tout ce qui tourne autour des zombies. Tout ce qui tourne autour des zombies. Parce qu'il y a eu plusieurs jeux de rôle faits depuis les années. À la base, il y a eu les films. Il n'y en a pas eu tant que ça au début. Il n'y en a pas eu tant que ça au début, mais il y en a quelques-uns qui, au final, sont là. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeux de rôle qui sont inspirés de 28 jours plus tard. Aussi. Parce que Danny Boyle, j'aime beaucoup Danny Boyle. Il a quand même fait quelque chose pour les zombies, c'est-à-dire qu'il a arrêté d'en faire des machins tout lents qui faisaient. C'est la fracture. J'ai un cerveau. Voilà, il a arrêté de faire ça. Ça a été. Il a permis aux zombies de courir vite, de devenir complètement tarés, de te bouffer plus vite que son ombre et de te transformer très rapidement aussi, ce qui fait que moi j'avais vu un film juste avant de voir 28 jours plus tard. Avant 28 jours plus tard, j'aimais bien les zombies, ça me faisait rire. J'avais vu Les Templiers Zombies. Si un jour l'un de vous retrouve ce film, dites-le moi parce que je cherche le film désespérément. Le Templier Zombie. Les Templiers Zombies. Alors c'était des Templiers. Les Templiers qui étaient des mélange de néphilim et de zombies. Et donc c'était des zombies qui allaient tout lent. Et donc des zombies tout lent, ça fait pas peur. Donc il y avait une scène merveilleuse. Où il y avait un homme qui était coincé entre tous ces zombies, mais qui était affreusement lent. Donc, pour donner l'impression de flip, tu vois, il marchait au lieu de courir. Il y avait pas une nana avec un moment avec des seins, les seins à l'air. Si, c'est hérité de La Nuit des Morts Vivants. Ouais, voilà. Et juste après, t'as 28 jours plus tard, qui transforme tous les zombies en trucs méga rapides. Et là, tous les jeux de rôle ont commencé à reprendre ça. Parce qu'évidemment, ça faisait quand même vachement plus peur. C'est plus de tension. Donc, aussi, parce qu'en ce moment, y a les films de zombies, ça marche à bord. Ça a la cote. Ah, tu parles des jeux de rôle autour des zombies, ça arrive. Quoi. Donc pour toi, Ben, il y a eu un échange là entre le jeu de rôle et le film. Je me demande, parce que les réalisateurs viennent aussi d'une génération plus jeune. Ouais. Tu vois par exemple Peter Jackson avec Brain Dead qui est clairement rôliste. Je pense beaucoup en fait aux réalisateurs qui auront pu avoir entre 15 et 25 ans dans les années 80, fin des années 80, ils auront eu de nouvelles sources d'inspiration et adapté ce qu'ils ont pu voir à la télé en jeu de rôle qui a pu après être adapté en film. J'ai pas d'exemple concret. D'accord, mais pourtant là, toi tu as acheté récemment Z Corps. J'attends de pouvoir le faire jouer. Je suis très enthousiaste parce qu'il est, il a plein d'avantages. Il est efficace. Pour moi, cette Corse, vas-y. Il est efficace. Pas la peine de se prendre la tête pour une campagne. On peut si on veut, mais voilà. Ce soir, on fait quoi? Ce soir, on va échapper à des zombies. Ou alors, ce soir, on va les casser des zombies. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser, cette Corse? Dans la description, j'en ai eu pour l'instant parce que j'y ai jamais joué. J'ai jamais ouvert un bouquin ni rien. Donc, de ce qu'on a dit, ça me fait penser à la Horde, hein, le jeu vidéo la Horde. Ouais, je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo. C'est un petit jeu vidéo en flash sur Internet. Sur le net, on a un village et puis on essaye de le défendre. Je viens de reprendre. T'as tant de choses que tu peux faire par journée, une action par journée. J'ai l'impression qu'ils veulent essayer avec le 7ème cercle en créant cette espèce de communauté autour du jeu, de recréer cette ambiance. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi à survivre dans telle ville? Ils essayent de créer un blog en fait communautaire qui rassemblera tous les joueurs de cette corps pour faire avancer l'histoire. Voilà. Et je trouve ça plutôt malin parce que participes, en tout cas, t'as l'impression de participer à. Vu qu'on joue à la 6ème semaine après le patient zéro, eh ben, faut construire la suite. Et là, plus chaque jour qui passe, l'invasion, la contamination avance, grandit, progresse. Le mal. Mais je trouve ça vraiment sympa de pouvoir ponctuellement. Voilà, ce soir on fait un scénar, on va jouer Monsieur Tout le Monde, et on est dans le snack et puis on doit échapper. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette inspiration du jeu de rôle sur un média autre, et puis ensuite on revient du média. Ça me fait penser à L5R, où ils faisaient des concours de jeux de cartes. Ah. Et fonction de qui gagnait le tournoi, c'est un jeu un peu comme Magic, si tu veux. J'y ai joué, c'est un petit peu plus stratégique peut-être, mais les mécaniques sont assez semblables au final. Et en fonction de qui gagnait le tournoi au jeu de cartes, dans le jeu de rôle, ça se répercutait sur qui gagnait entre les différents clans, qui gagnait la possession de tel ou tel territoire, etc. Donc tu vois, tu avais une espèce de retour comme ça, mais évidemment ça n'a rien à voir avec les adaptations du jeu de rôle au cinéma. Alors, est-ce que on a d'autres exemples d'adaptations de jeux de rôle au cinéma? Alors, de jeux de rôle vraiment. Alors, je sais que Sam Raimi va bientôt adapter World of Warcraft. Mais c'est pas un jeu de rôle, World of Warcraft. Ah, bah, il y a des gens qui diront que ça ressemble, c'est les nouvelles générations. Non, c'est vraiment un jeu vidéo. J'avais vraiment envie de le placer, je suis désolé. Ouais, bah, si. Mais... visuellement, ça va. Ça va donner quelque chose. Hein. Est-ce que. J'ai pas d'autres exemples, a priori. Moi, je vois plus l'inverse. Ouais, par contre l'inverse alors, okay. Juste avant de passer à l'inverse, Thomas. Je vais juste faire une petite digression par rapport à l'inspiration. Moi, j'aimerais quand même parler de Matrix. Alors, Matrix, le film est pas fait sur le jeu de rôle, mais les agents, les héros comme Neo, c'est mage. C'est mage. Moi, je trouve que l'inspiration. Alors, peut-être c'est pareil. Peut-être que c'est moi qui fais cette description là, mais moi, je trouve que dans Matrix, ça pue mage. Ah non. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec moi. Mais voilà, c'est pareil. C'est peut-être aussi moi qui me fais un film, mais tout colle. On peut dire que Matrix a été massivement inspiré par le jeu de rôle mage, sans pour autant dire, comme tu disais tout à l'heure, que Matrix est une adaptation de mage. Ça a été quand même hautement inspiré. Mais Matrix a permis d'inspirer des jeux de rôle. Ouais. Alors quoi, par exemple? On parle de zombies. Transition nickel. Hein. Zombies, le jeu de rôle zombie, il y a une compétence dérivée de Matrix. Ouais. Ouais, exact. Si tu te souviens, le podcast sur les compétences mythiques. Premier podcast pour Play, quelle émotion. C'est Gunshot. Gunfight. C'est vraiment du Matrix. Après, il y a un autre jeu de rôle, mais malheureusement, j'arrive pas à me rappeler du nom. Où là, c'est vraiment inspiré de Matrix, puisqu'il y a des compétences qui permettent de courir sur les murs, faire des sauts grandioses et surtout marcher sur les balles. Ça, c'est fort. Marcher sur les balles, vraiment pour donner. Regardez les scènes. J'arrive pas à me rappeler du nom. Et c'est vraiment. Regardez les scènes de Matrix, vous allez pouvoir le faire dans le jeu de rôle. Sur le chat, n'hésitez pas. Bon, il y a Wushu. Wushu, au niveau du système, mais le but c'est de faire, c'est pas que Matrix, c'est vraiment faire des scènes, de faire du cinéma, du cinéma d'action. Donc film d'arts martiaux, et on retrouve quand même Matrix, parce que Matrix, faut savoir que la personne qui a fait les chorégraphies, c'est Yuan Yuping, le plus grand chorégraphe chinois. Oh, merci Yuan Yuping. Non, on s'est fait plaisir. Tigre et Dragon. Tigre et Dragon. Alors, moi j'ai mon petit coup de gueule, voilà. Alors vas-y. C'est un film qui s'appelle Jeu de rôle, sorti en 1999. Et oui. Un merveilleux film où des joueurs de jeux de rôle se mettaient à devenir fous et à devenir meurtriers à cause du jeu. Ça existe ça? Ouais, c'est... J'ai vu la bande-annonce au cinéma. Non. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je vois un jeu de rôle, je suis ah sympa, un film sur le jeu de rôle. Il montre les premières scènes, on voit des jeunes en train de s'amuser, il y a des dés, tu vois, c'est sympa. Et puis là, hop, on dit qu'il y a un meurtre. Et je fais putain, les clichés, ils sont restés. Ah non. Et en plus, c'est les espagnols. En 99. Ouais, c'est flippant. Et je suis retombée dessus en préparant le podcast. Galaxy et Express, quoi. Et franchement, c'est 1999. Il fallait pas la relever. Et vraiment, il est. Enfin. Bah. Voilà quoi. C'est immonde. Par pitié, si un jour vous refaites un jeu. Alors là, vous n'êtes pas pour vous. Ouais. Est-ce que pour vous, le film The Game avec Michael Douglas viendrait d'un jeu de rôle ou j'allais du thème générique du jeu de rôle? Qu'est-ce que t'as du jeu de rôle, Grandeur Nature, appliqué à quelqu'un? Alors, je sais que The Game. Alors, on va dire le jeu du film. Si on fait le film, je suppose que tout le monde l'a vu, mais bon, c'est quelqu'un qui participe à un jeu qui se fait enlever sans vraiment le savoir. Ouais. Et je sais qu'aux États-Unis, alors je sais pas si c'est lié au film ou si ça existait avant le film, ça existe vraiment. Des compagnies qui sont payées, en fait, le mec, un jour, et on paye, et ils viennent t'enlever, et ils te font vivre des trucs. Et le gars n'est pas forcément au courant. Oh, c'est n'importe quoi. Les Américains, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est été fait après le film, et si ça existe encore, ou si ça existait déjà avant. Ah putain, en fait on va découvrir que la guerre en Afghanistan c'était qu'un jeu de rôle. C'est souvent fait pour les mariages, pour les enterrements de vie de garçon. Le mec il sort de son taf, il se fait enlever. Il y a une grosse bonasse qui lui dit bonjour, nous allons vous faire vivre une aventure. Depuis plusieurs années, George Bush est dans The Game et ils ont fait s'écrouler le World Trade Center. Donc je veux dire, c'est sûr que dans le film c'est beaucoup plus important. Je sais pas si le truc existait après le film. Putain, c'est dingue quand même. Putain, c'est ouf ce truc. Enfin, là, on est parti dans les apparitions du jeu de rôle au cinéma. Est-ce que The Game, vous considérez que c'est le jeu de rôle au cinéma? Ça en parle quand même un petit peu. Ça en parle un peu, mais plus le GN. Il y a plein de problématiques qui sont absentes en fait. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe. Pour moi, ça ressemble plutôt à l'expérience du malin génie de Descartes, au sens où c'est proche de Matrix. Tout le monde te ment en fait. Tu vois, ou tiens, The Truman Show. Tu vois ce que je veux dire? Truman Show, c'est pareil. Est-ce que tu as vraiment l'impression de voir du jeu de rôle dans The Game? Non, voilà, The Game, pour moi, ça n'a. Je pense que si ça ne ressort pas, c'est pas du jeu de rôle. Non. Et voilà, pour moi, ça me fait le même effet que Truman Show, en fait. C'est une espèce de grande fiction à laquelle tout le monde participe et où finalement, seul toi, tu n'es pas au courant. Le thème, c'est pas vraiment un jeu de rôle. C'est ce qui se passe quand tu es un gros connard et que ton monde s'écroule, quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a ce thème-là aussi, c'est vrai. Parce que c'est organisé par ses enfants pour lui faire comprendre. Non, par son frère. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que son frère lui dit. Il lui dit, excuse-moi, mais tu devenais vraiment trop con. Putain, c'est quand même... La punition est sévère. Hein. Putain, c'est un gros capitaliste au début, Michael Douglas. En fait, quand j'étais petit, que j'ai vu ce film, moi, je m'étais dit, ce sera ça mon métier, j'organiserai ça. Bon, c'est dur. Hein. Peut-être remarque, on sait jamais, peut-être que j'y arriverai. T'as encore le temps? Oui, j'ai encore le temps. Mais ce que je veux surtout dire, s'il ne faut pas oublier, c'est que le jeu de rôle, le jeu de rôle actuel dans le commerce, s'inspire beaucoup du cinéma. Mmh. Oui, tu prends, tu prends sens pour plein de scènes, c'est inspiré du cinéma. Ou du jeu vidéo. Ou du jeu vidéo. Moi, plus du jeu vidéo que du cinéma. À propos, parce que d'ailleurs, dans le dernier Fable 3, il y a un moment qui est clairement un hommage au jeu de rôle, un hommage foutage de gueule. Ouais. Où, en gros, le héros se ramène dans une maison pour faire une quête. Et en fait, il y a l'air d'avoir trois mages en fait, autour d'une table. Ouais. Et les mages le transforment en tout petit et le font aller sur un jeu de plateau de jeu de rôle. Ils lui font vivre un jeu de rôle. Ah non. Et oui, il y a ça. C'est énorme. Et t'as les mecs autour qui sont là. Ouais, mais je t'avais dit de mieux préparer ton scénario et tout. D'accord. Donc là, c'est encore l'apparition du jeu de rôle dans d'autres médias. Voilà. Le cadre dans le cadre. Mais c'est vrai, comme disait Benjamin, c'est pas non plus étonnant parce qu'on va dire que tous les créateurs qu'on soit, de cinéma, de jeux vidéo, de romans, de séries, ils font partie d'une génération, en tout cas pour les États-Unis. Mmh. Eux, c'était des geeks et ils ont quasiment tous fait au moins une partie de jeu de rôle. Ah oui. Dire, pour qu'ils aient autant d'inspiration, je pense qu'ils ont dû en faire même beaucoup. Parce que ça développe pas mal l'inspiration quand t'es maître de jeu, que tu dois écrire tout le temps les scénars ou que t'as participé à beaucoup de scénars. T'imagines, il y a plein de situations. Donc oui, moi ça m'étonnerait pas que eux, de toute façon, le genre de rôle leur a permis de jouer à ça. Et, souvent, et de temps en temps, ils vont faire des clins d'œil. Ah oui, bah, ils doivent faire toute partie de même école, ils doivent se connaître. Je me souviens aussi d'un scénario, d'un épisode de X-Files. Hein, où, avec les Longgunmen. Avec les Longgunmen, où ils sont en train de faire un scénar de Donjons et Dragons. De Donjons et Dragons. Mulder arrive et ils sont en train de jouer avec les figurines Donjons et Dragons. Et justement, en parlant d'X-Files, c'est dingue, les transitions ce soir, c'est nickel. Hein. X-Files, c'est pour moi... Là encore, on peut se poser la question, qui communique et comment ? Qui fait, est-ce que c'est X-Files qui a fait Cthulhu contemporain 90, ou Delta, ce qu'on appelle Delta Green, plutôt Delta Green, on devrait dire. Est-ce que c'est X-Files qui a fait Delta Green ou Delta Green qui a fait X-Files ? Bah, c'est X-Files qui fait Delta Green. Oui, mais il n'y a pas les fiches de perso de Mulder et... Dans, et Delta Green, si. Dans Delta Green, dans ouais. Il me semble qu'il y a, il me semble qu'on, si si. Et ils s'appellent pas comme ça, ils avaient Skulder et. Ah Mulder, si Aaron est, ouais peut-être bien. Ouais, si Aaron était là, il saurait nous répondre. Ouais. Mais bon, en tout cas, là aussi, il y a clairement une communication entre X-Files. Pour moi, c'est X-Files qui fait Delta Green, sans souci. Ah oh, oui, moi je pense aussi. Moi je pense aussi, ouais. L'agence, la cellule de. Mais elle était bien ficelée cette série, elle nous a tenu en haleine pendant pas mal d'années. 10 saisons, hein, je crois. Ça a vieilli quand même. 10. Enfin, en fait, ça a vieilli. C'est très curieux parce ouais, que mais ça toute leur technologie était vachement en avance. Sauf que c'est des vieux ordinateurs. Niveau décor, c'est un des premiers. Je me rappelle, c'est dans la première saison. T'as un ascenseur qui est censé devenir fou. Et donc, c'est un ascenseur avec une IA exceptionnelle sous MDOS. Avec les gros téléphones portables qui ressemblent à rien. Ça, c'est génial. Ça, c'est énorme. Leur téléphone, ils sortent la batterie, la gueule d'un talkie-walkie. C'est censé être un téléphone portable, quoi. Et bon, voilà, quoi. C'est... C'était trop la classe, trop la classe. Comment il s'appelle le réalisateur du Labyrinthe de Pan ? Guillermo del Toro. Voilà. Alors, lui, ce gars, il, à mon avis, il est sacrément connecté au jeu de rôle. Pourquoi ? Ah, son univers est très, très onirique. Mmh. Et ce gars, j'aimerais bien beaucoup le rencontrer. Il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il fait et c'est très enfantin, selon moi. Et celui-là, il a pu faire que du jeu de rôle ou vivre dans les contes toute sa jeunesse. Voilà, ou vivre dans les contes toute sa jeunesse. C'est pareil, je trouve que tu vois du jeu de rôle parce que tu as envie d'en voir. Non, mais le jeu de rôle, on y vient de bien des manières et le conte, c'est un super moyen. Mmh. Oui, mais tu peux très bien t'intéresser au conte sans forcément faire du jeu de rôle. Mmh. Alors là, oui, non, mais c'est certain. Eh ben, curieusement, la plupart des gens que j'ai vus aimer les contes connaissaient le jeu de rôle. Sont allés vers le jeu de rôle par la suite. D'accord. Ouais, donc, J'ai malheureusement beaucoup de contre-exemples dans l'univers de l'éducation nationale dont je fais partie. Ils connaissent les contes ? Ils connaissent beaucoup les contes, mais au niveau du jeu de rôle. Ils ont quel âge les tiens ? C'est pareil, puis ils font un accès. Non, au non, jeu mais de rôle, les profs. Ouais. Ah, les profs, ouais. C'est les vieux profs. Bah pas tout, Benjamin. Dire surtout en France, il faut quand même un accès au jeu de rôle. Moi, le nombre de personnes que j'ai connues qui ne connaissaient pas du tout le jeu de rôle, je leur en parle, le média, ça leur parlait pas du tout, quoi. Et j'en ai connu pas mal, hein. La majorité des conteurs doivent connaître quand même le jeu de rôle, je pense. Non, tu penses pas ? Mais je vois pas en quoi ils devraient connaître. Non, je devrais au sens. Oui, ça te paraît, ça te paraît normal qu'ils le connaissent. Mais s'ils ont pas l'accès, s'ils savent même pas du tout le média. Tu peux très bien t'intéresser au conte sans forcément faire le jeu de rôle. Mais moi, on m'aurait jamais parlé du jeu de rôle. Je suis désolé. Moi, j'ai les contes, je m'intéresse depuis super longtemps. On m'aurait jamais parlé de jeu de rôle. Je serais jamais venu. Quoi. C'est un jour, on m'en a parlé. Et c'est vrai que le fait d'être intéressé par les contes, de suite, j'ai accroché. Quoi. Ouais. C'est clair. Je pense que quelqu'un qui aime les contes, si tu lui proposes de jeu de rôle, le gars il s'y accroche et puis c'est bon, il en fait. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question, sauf si vous voyez encore des contacts. Moi, je reviens à plein. Ça aurait été l'inverse, moi, que j'aurais vu, par exemple. Non, pas, tu sais, comment on parle d'adaptation. Mais attends, là, il y en a. Enfin, tout le monde. Enfin. Non, parce que dans ces cas-là, toutes les séries, comme Buffy, etc., qui ont été. Justement, moi, ce genre de série, je sais pas si on peut. Le jeu de rôle, il paraît qu'il est vraiment très bien. Il se paraît, il est bien. Mais qui a découlé. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ben ? Est-ce qu'on peut considérer que ces séries sont des scénars, en fait ? Que les épisodes de ces séries sont des scénars ? Bah oui. Bien sûr que c'est des scénars. Alors Ben, je te l'ai dit, je réfléchissais vite à un truc. Non, il y a les ingrédients, il y a tout. Ah, il y a tout, hein, il y a tout, hein, il y a vraiment tout. Y a tout, hein. Le, mais... le but, c'est que bon. T'as des PJ qui sont les héros de la série, surtout pour une série, et on va leur faire vivre des aventures. De toute façon, Chris Carter, c'est clairement un rôliste, hein. Ça, c'est clair. C'est hein. Pas Chris Carter qui a fait Buffy. Je confonds, oui, comment il s'appelle le gars qui a fait Alien 4 aussi. Genet. Non, le scénario d'Alien 4. Oh, je me rappelle plus de son. Comment il s'appelle le mec qui fait Buffy? Il est super connu. Allez-y. À 18 ans, il avait encore des boutons, je crois. Et à 13, il a eu son premier poil pubien. Tu l'as fait à chaque fois, c'est ça. En tout cas, on retrouvera sans doute à l'heure. En tout cas, moi, j'ai envie de vous poser une question pour conclure ce podcast. Vas-y. Est-ce que, selon vous, on peut décemment, bien, correctement adapter un jeu de rôle au cinéma? Pour moi, ça me semble impossible. Alors, Dagon est un exemple vraiment. Josh Whedon. Josh Whedon. Il faut du blé et il faut de bons infographistes. Alors, en dehors de ce qu'il faut, est-ce que tu penses que c'est possible, c'est-à-dire... Moi, je vois pas pourquoi ce serait impossible. Je veux dire, on parle juste avant des séries. Bon, t'es en train de lever les yeux. Attends, Thomas. On parle juste avant des séries où on dit que justement t'as tous les ingrédients pour faire un jeu de rôle, y compris les comment dire les jets de les mauvais jets, les. Thomas va mourir. Il avait demandé la parole. Vas-y, fini. Et du coup, je vois pas pourquoi on pourrait pas adapter un jeu de rôle au cinéma. Voilà. D'accord, Thomas. Alors, déjà pour la deuxième question, c'est normal, c'est des scénarios. Alors tu parles. Si on prend le podcast, Flavie. Si on prend le podcast de la semaine dernière sur la liberté, c'est des scénarios, un scénario d'une série, un scénario de jeu de rôle. Donc oui, il y a des événements. Je trouve ça normal que ça puisse être adapté. Oui, ça semble logique ta question de dire que dans une série, le jeu de rôle, il y a des points communs. Fait oui. Maintenant, le truc, c'est est-ce qu'on peut vraiment adapter un jeu de rôle? Un jeu de rôle, est-ce que tu vas un film, tu peux pas parce que le jeu de rôle, surtout si on prend le cas de sang, c'est que dans l'univers, t'as un système. Et faire un système dans un film, c'est dur. Pour moi, le jet de dé, la sensation de ton jet de dé quand le système fait que tu dois avoir cette sensation-là, tu peux pas ressentir ça. Pour moi, tu peux. Par contre, tu peux adapter l'univers. Tu peux prendre par exemple des résultats qui sont issus de ces systèmes, donc des résultats rigolos, genre par exemple comme dans Cthulhu, voilà, où on voit le joueur qui réessaye plein de fois. Voilà, c'est ça. Tu peux éventuellement prendre un scénario de jeu fait en jeu de rôle, créé en jeu de rôle, et le réadapter au cinéma pour bien rigoler, parce que au cinéma, bah, ça rend rien et c'est ridicule. Ça, tu peux le faire. Alors que si ça se trouve, on joue Dagon en scénar ce soir, on va s'éclater, et ça va être génial. Ça qui est énorme. Ouais. Alors qu'au cinéma, ça fait rire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, une chose est de dire, on peut faire ça, tu peux le faire. Mais par contre, pour vraiment adapter un système de jeu de rôle, c'est vrai que ça me fait penser à un truc qu'avait dit Frédéric Sainte quand on avait enregistré. Tous les podcasts, ce mec. Fred, notre dieu à tous. Fred avait dit, en regardant, t'avais mis des vidéos d'une partie de Sens qu'on avait faite, où tu sais, t'avais avec la grosse toque, il y avait Pierre qui faisait, qui ratait ses jets de discrétion et tout, et Fred était mort de rire. Il avait mis, on dirait une très mauvaise série B. Oui. Mais bien sûr. Alors, exactement. Voilà. Mais c'est pareil, je veux dire, ça, tu vois, par exemple, le coup de l'échec critique, moi, c'est pas vraiment une bonne adaptation du jeu de rôle vers le cinéma, c'est plus un clin d'œil. Parce qu'en fait, c'est le clin d'œil. Voilà, le mec qui connaît, lui, il le voit. C'est-à-dire là, le rôliste de la scène de la manière, direct, tu vois l'échec critique, tu fais, allez, c'est abusé. Le mec, j'ai pas connu cette sensation-là, il voit le truc, il a pas la sensation de l'échec critique. Comment les gens ont réagi au moment où ce mec enlève sa série de la blaireau, franchement. Les scénaristes, c'est pour ça qu'ils se disent série B, ce sera classé dans la série B. C'est nul, mais c'est vraiment. Moi, je sais pas, ça détruit ma suspension of disbelief, quoi. C'est absurde. C'est le clin d'œil, c'est fait pour amuser le rôliste. Je pense que le non-rôliste, il dit que c'est un film de merde. Il se dit, mais c'est quoi ton film de merde, quoi? Attends, c'est dingue. C'est waouh. C'est pour nous. Avoue que ça t'a fait rire. Tu t'es imaginé à la place. Au bout des 5 premières minutes, quand tu vois la tempête débarquer alors que le ciel était bleu, tu fais, oh, ça commence cash. Nickel. Et là, ça ne s'arrête plus. Non, mais comme disait Thomas, bien sûr que moi, ça m'a fait triper cette scène, mais parce qu'il y avait cette référence et ce clin d'œil rôliste. J'ai fait, putain, merde, ça, mais quand tu vois les mecs du village claudiquer sous la pluie, dans ces... tu dis, mais comment on peut vivre dans cet endroit? Comment c'est trop glauque? T'es dans l'univers. Je connais des gens qui vivent dans des endroits en vrai. Hein. Quand tu sur le ponton, les questions que tu m'as envoyées à des endroits très étranges. Franchement, quand ils sont, les mecs qui sont arrivés dans la ville sur le ponton, qu'est-ce que vous êtes dit en première chose? Bah, c'est là où on voit ça à la main du curé, non? Un truc dans le genre. Non, il arrive sur le ponton, il commence à discuter avec des mecs. tout juste, c'est la sixième minute du film. C'est là, tu ferais jamais ça en temps réel. Non, c'est pas ça, moi, c'est la première chose que je me suis dit, c'est ah, il va y avoir des profonds. Direct, ouais. J'ai vu les profonds de suite. Il y a la flotte, il y a une tempête qui est arrivée. Ah, t'arrives sur un ponton, tu dis ah, ça sent la village de Pont. Tu sens les déformations. Ah, moi, c'est trop ce que je me suis dit. Voilà. Moi, direct, je me suis dit c'est bon, là, je suis dans tout. Gros village consanguin. Bizarre. Enfin. En tout cas, à mon avis, il n'y a qu'un seul média qui peut vraiment retranscrire des sensations de jeu de rôle en lui, en dehors du jeu de rôle, c'est le jeu vidéo peut-être. Car éventuellement, là, il y a un pont qui est plus crédible. Je suis d'accord. Ouais. On peut créer une interface, comme on disait avec Ben, World of Warcraft, c'est limite. Il y en a certains qui, en faisant du roleplay et tout dans World of Warcraft, le vivent comme un jeu de rôle. Voilà. Moi, je dirais plus Heavy Rain. Quand tu dois faire ton mouvement dans l'action, parce que t'as l'ambiance et tu dis ah faut pas que je me chie dessus, j'ai la réaction. Ah ouais, tu comparais ça au jet de dés. T'as le sentiment du conflit, quoi. Le sentiment du conflit, tu dis ah. J'avais et pas puis t'as pensé des choix, etc. Si, carrément. Ouais. Moi, c'est clair, le jeu vidéo, ça peut être une très bonne. Il pourrait s'inspirer du jeu de rôle. S'inspirer du jeu de rôle, le jeu vidéo. J'espère avoir des prochains Heavy Rain ou une nouvelle génération avec plus de jeux qui correspondrait à ça me plairait beaucoup. Autant je trouve finalement le livre et le cinéma sont très très liés. Ah, oui. Et pour moi le jeu de rôle et le jeu vidéo sont très très liés, quoi. C'est enfin des médias dans lesquels les joueurs ou les spectateurs et les joueurs sont actifs, quoi, parce que les spectateurs sont joueurs. Déjà il y en a deux, ce sont des arts et nous c'est du jeu. Ouais, c'est vrai. Attention. On pourrait finir là-dessus. Allez, on vous laisse. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça va être le sujet du prochain podcast. C'est le sujet du prochain podcast. Ah non, c'est obligatoire. C'est pas un art. Tais-toi, c'est le prochain podcast. C'est le prochain podcast. C'est moi qui l'ai inventé. Écoutez-moi, je l'ai pas créé pour ça. C'est un jeu. Quoi qu'il en soit, on vous dit à bientôt. On vous laisse écouter. Ça t'apprend pas à draguer les gonzesses. Ça t'apprend les oublier. Tidu Snake Head, bientôt. Donc, on vous laisse avec Tidu Snake pour Craft Mag après une courte pause musicale. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Pour un débat. Bon, vous avez compris que c'est la semaine. C'est dur de jouer les scènes de cul dans un jeu de rôle. Dagon.